entendre sur ou lire sur l'internet, le groupe prépare un nouvel album, je crois. Ils demandaient à des gens d'un peu partout dans le monde d'envoyer des photos de leur crew antifa, alors des photos de regroupements antifascistes. Je présume qu'ils vont peut-être faire partie de leur de l'or dans leur nouvel album. Alors, ça devrait être intéressant. C'est un bon groupe hors contrôle. Je pense que ça fait depuis plusieurs années qu'ils sont ensemble. Ils font toujours des concerts. Alors, c'est ça, je continue en musique. Mais avant de faire ça, je veux souhaiter une bonne fête, un joyeux anniversaire. J'ai oublié de le faire la semaine passée. C'était la fête à mon père. Je vais souhaiter une bonne fête, joyeux anniversaire à mon père Steve. Et je vais le voir dans quelques jours, il vient me visiter. Mais je figurerai que je suis aussi bien de dire, lui souhaiter bonne fête à la radio. Je sais qu'il écoute parfois, alors si t'écoutes, bonne fête. Puis si t'écoutes pas, ben je te souhaiterai bonne fête en personne dans quelques jours. Alors ça, je continue avec du Mayday, de leur album Excepté une fois à Verdun, le petit démo de 4 titres. Il y a un EP sorti il y a peut-être un mois ou deux. Déjà, le groupe qui est passé à l'entrevue, c'est sous pression quelques semaines. J'ai bien hâte de les voir bientôt à Hamilton, la fin du mois d'avril, dans le cadre du Rebel Fest. Ils vont jouer avec plusieurs groupes, incluant Action Sédition. C'est ça, je vais faire jouer la chanson coup pour coup par Mayday. Alors c'est ça, on écoute du Mayday à sous pression. Le monde n'est pas le leur. Ils ne peuvent pas comprendre. Mais pour ne sais pas pourquoi je me réveille encore une fois avec une putain de gueule de bois. Et comme si cela ne suffisait pas, il passe en boucle à la radio plein de connards et d'intello. Je ne fais pas partie de la France qui se lève et dont je n'ai aucune envie de passer ma vie au boulot. À croire que tout le monde se passe le mot, le travail c'est l'avenir des marmots. J'ai bien l'intention de faire ce qu'il faut pour m'assurer une vie sans trop d'accrocs. J'ai bien l'intention de faire ce qu'il faut et quoi qu'il en soit, j'aurai le dernier mot. Je voudrais juste qu'on me foute la paix, enfin faire ce qui me plaît. En retour à toutes vos belles réussites, je vous offre un zéro de conduite. Ce rêve de soleil, de soirées et de fêtes, alors que vous voulez m'en mettre plein la tête. Cette vie n'est pas pour moi, société tout me rapporte pour toutes ces conneries. Ce n'est pas la peine, pas la peine de compter sur moi. Je ne veux pas être flic, ni trader, ni banquier, encore moins avocat, ou pire, douanier. D'autres carrières ne me font pas rêver, j'ai pas vraiment envie de devenir un enculé. Je voudrais juste qu'on me foute la paix, enfin faire ce qui me plaît. En retour à toutes vos belles réussites, je vous offre un zéro de conduite. Je rêve de soleil, de soirées et de fêtes, alors que vous voulez m'en mettre plein la tête. Cette vie n'est pas pour moi, société qui me rabat pour toutes ces conneries. Salut, vous écoutez Sous pression aux ondes du CHLY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM dans le Grand Nord canadien à Yellowknife. Pour ceux et ceux qui viennent de nous rejoindre, je m'appelle Mathieu, je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure et je vous fais jouer du merveilleux punk, du merveilleux ska et du merveilleux hardcore tout en français. Dans le dernier bloc, on a écouté du Mayday, on a commencé le bloc avec du Mayday, la chanson Coup pour coup de leur album Accepté une fois à Verdun. Du Civil Aggression après ça, la chanson Jamais cru, ensuite du Critical Convictions, un groupe hardcore d'Ottawa, qui ont sorti leur premier LP, album qui s'appelle Divisions ou Division. La chanson Anxiété, et on vient d'écouter du Tagada Jones de l'album Descente aux Enfers, la chanson Zéro de conduite. Je crois que cet album-là est sorti l'année passée ou en 2010, ou en 2011, pardon, je me trompe. Parce qu'un bon groupe Tagada Jones, ça fait longtemps qu'il existe. ils font parfois des tournées au Canada. Je crois qu'ils vont faire des concerts bientôt au Québec, quelques concerts au Québec. J'ai eu la chance une fois de les voir quand ils ont joué à Ottawa. Ça fait peut-être au moins 12 ans de ça. Ils ont joué, je pense que c'était un concert un peu organisé à la dernière minute parce que il y avait eu très peu de publicité parce que j'en avais pas entendu parler. C'est une amie qui m'en avait parlé, qui connaissait celui qui organisait le concert. Elle me l'avait dit, puis ça m'avait surpris que Tagada Jones jouait à Ottawa, puis que j'en avais pas entendu parler. Alors, je suis allé les voir. Le show était correct, c'était dans un tout petit club à Ottawa. Et quelques années après, quand j'ai visité la France et j'ai eu la chance de les voir encore une autre fois à Lille, j'ai eu la chance de parler au chanteur et on parlait. Lui, il se souvenait du concert à Ottawa. Puis là, il s'est mis à plaindre, il dit, ah, c'était un concert, le club était petit, le groupe qui a joué avant moi était pourri, le groupe qui a ouvert le concert pour Tagada Jones, ah, c'était pourri, puis c'est vrai, le groupe était pourri, c'est hardcore, c'est vraiment macho, de Gatineau, je veux pas, c'est manquer de respect au hardcore macho de Gatineau, mais c'était, le groupe, je m'appelle plus du nom du groupe, c'était terrible, mais c'était, c'est une bonne histoire, on a parlé de ça, on a partagé nos souvenirs de ce concert, de Tagada Jones à Ottawa. En tout cas, c'est un bon groupe, fait longtemps qu'il existe. J'ai cet album-là, la Descente aux Enfers, mais j'ai aussi un autre de leurs albums. Je me rappelle plus. Le titre m'échappe, mais je l'ai en cassette. Et on n'a pas de lecteur de joueur de cassette ici dans le studio. Alors, il va falloir que je trouve un moyen, que je trouve ma cassette, premièrement, que je la transfère en format CD pour que je puisse en faire jouer en ondes du bon vieux Tagada Jones. Alors, c'est ça. Assez de parler de Tagada Jones. Je continue avec un groupe, Édouard Nenet et les Princes de Bretagne. J'ai déjà fait jouer en ondes, c'est un bon groupe. J'ai leur album Prise de Chou. C'est ça, c'est un vraiment bon groupe. Je les ai découverts récemment. Je vais faire jouer le deuxième morceau de leur album. L'album Prise de Chou va jouer le morceau Connor en camping-car. Et ensuite, peut-être un morceau par les rasoirs électriques. Alors voici Édouard Nenet et les Princes de Bretagne. Le temps rêvé. présent dans ta vie est déjà tout tracé. Salut, si vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression, on vient d'écouter Les Parias, la chanson Rocket Roll de leur album Ça déraille, Les Morts avançant avec Évasion de leur album Home Marde, Les Cornises avec Flavie Ne m'aime pas. Avant ça, c'était Les Rasoirs électriques, Rockstar de l'espace, et on a commencé le dernier bloc avec On a commencé le dernier bloc avec Édouard Nunez et Les Princes de Bretagne, l'album Connard en camping-car avec un petit dans la chanson, une petite partie, je pense que c'était du AC/DC. C'était un mélange de punk et un peu de AC/DC dans ce dernier bloc-là. Alors, on est rendu à mi-chemin de l'émission. Et comme à chaque semaine, à ce temps-ci de l'émission, je vous rappelle que le microphone a deux côtés. Il y a moi qui parle dans le microphone et vous qui vous pouvez me répondre de plusieurs façons. Vous pouvez visiter le site web de Sous Pression. C'est souspression.wordpress.com. Souspression.wordpress.com. Vous pouvez écouter l'émission à partir du site web. Pas en direct, mais on met l'émission en format podcast sur le site web à chaque semaine. Et aussi la liste des chansons. Et si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aimer l'émission. On a une page Facebook. C'est facebook.com/sous-pression. On est rendu, je pense, à 95, 96 personnes, je pense, qui aiment l'émission. On sera rendu peut-être à 100 bientôt. On fêtera ça d'une, je sais pas. C'est Facebook, je sais pas. On fête ça. En tout cas, si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aimer l'émission. Vous venir à jour avec ce qui se passe dans le monde du punk, du ska, du hardcore francophone. Et on a aussi une adresse courriel souspression@commercial.chry.fm. Envoyez-moi des demandes spéciales, des commentaires, des plaintes, n'importe quoi. Vous voulez me dire bonjour, faites-le. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous m'insultez, c'est beau, je vous envoie de l'amour. Ou je vais vous insulter en retour, je sais pas. On verra, ça dépend de mon humour, si je suis de bonne humeur ou non. Mais je suis toujours de bonne humeur. Pas toujours, parfois. D'habitude, oui. Sauf si vous êtes des cons. Si j'ai affaire avec des niaiseux, des cons, là, je perds ma patience. Parce que, on parle pas de ça. Je vais parler de la musique, là. Je continue avec un morceau par un groupe. C'est le groupe, je pense, qui est sorti de la scène. Je sais pas quand est-ce que l'album est sorti. C'est le groupe des arts culturels. J'en ai déjà fait jouer un nom. Il me semble que l'album s'appelle Plus d'espoir que de haine. Je vais faire une petite recherche pendant que ça joue. Mais c'est un bon groupe. Et on dirait que ça sort, ils ont vraiment un son. On va voir une influence un peu de la scène rock alternative. Alors c'est ça, je vais faire jouer une chanson de cet album-là. Je vais faire jouer le 11e morceau, la chanson Violence par Désert Culturel. Alors c'est ça, voici Désert Culturel et leur morceau Violence. Se raconte pas dans la chaumière. Médaille à se vomir nos vérités, soumettra nos hymnes et nos rengaines. Le jour est leur venu de passer de l'autre côté, l'autre côté de la peste, l'autre côté du problème, en espérant que le monde se supportera. We'll be right back. une rage qui revient et combat pour ne pas de morlante. Inintéminable, pourquoi on n'a jamais choisi de voir entre l'instinct et le cerveau. Si l'un se perd, l'autre suivra. Nous maîtrisons notre chaos. Les mêmes yeux dans la poubelle qui servent de cage à nos bonheurs. On arrive à voir le soleil et il y a de quoi avoir. We'll be right back.

C'était Banlieue Rouge, la chanson Le Serment de leur album Engrenage. Bonjour, vous écoutez toujours Sous Pression. Notre temps semble tirer à sa fin. Je vais faire un petit retour avant de vous quitter sur les chansons qu'on vient d'entendre. Avant Banlieue Rouge, c'est Les Ordures Organiques, la chanson Ainsi soit-il. Du Brutal Chéri, avant ça avec Le Vide, Solide Agité, avec Salut Patron de leur album Une Dose de Rock'n'Roll. Du Charnier, avant ça, la chanson Ennemi. Du General Fools avec la chanson Mascara. Du Télécommande avec leur chanson AK-47. Cette chanson-là tire une compilation Larsan Chronique. Et on a commencé le bloc avec du désert culturel, la chanson Violence, et l'album est sorti, l'album Plus d'espoir que de haine est sorti en 1991. Je connaissais pas la date, un peu plus tôt quand j'en ai parlé, mais là, j'ai fait une petite recherche, aller sur l'internet et j'ai trouvé toute l'information que j'avais besoin de trouver. Alors c'est ça, je vais vous laisser avec une dernière chanson, cette chanson par Les Partisans de leur album éponyme, la chanson Graines de violence. Alors prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas de visiter le sous-pression.wordpress.com. Bonne semaine.